toute une population avide de paix, accueille Humbert comme un envoyé de Dieu, et l'appela de tous ses vœux et désirs. Déjà la preuve qu'on n'eut pas tort de concevoir des espérances. En peu de temps, il apaisa si bien les guerres, qui grondaient dans notre contrée, calma si bien, par sa seule parole, le bruit des camps et le tumulte des gendarmes, que la crainte qu'il inspira, rétablit la paix parmi eux, et rendit la sécurité aux églises et aux pauvres, qui redoutaient leur tyrannie. Déjà les marchands sur les places publiques, les laboureurs dans les champs, n'eurent plus rien à craindre. Déjà presque toute cette contrée, située entre la Saône et la Loire, goûte les douceurs d'une paix, qui semble la couvrir de ses bienfaits sans rayon. Un tel secours était rare, car plus souvent, la tyrannie et l'oppression avaient champ libre, le voleur marchait la tête haute et le front levé, les nobles exerçaient leur rapine avec autant d'audace, qu'ils le faisaient sans crainte ni danger. S'ils peuvent bien échapper à la justice humaine, la justice divine leur imposera de terribles châtiments après leur mort, et quelquefois pendant leur vie. Le monastère est faible, et les moines impuissants, à repousser les violences qu'on exerce contre eux. Mais Dieu veille sur les siens. Et un jour inévitable et terrible viendra, où la justice sera faite, contre les violences des oppresseurs. Guichard de Beaujeu, à peine mort, ne tarda pas à reparaître, pour faire savoir qu'il endurait les plus cruelles peines, et que les bonnes œuvres de son fils ne pouvaient pas à elles seules le délivrer. Bernard le Gros, détrousseur de grand chemin, n'échappa pas aux flammes vengeresses. Après sa mort, il revint annoncer qu'un feu dévorant consumait ses membres. Il n'a pas d'autre espoir de salut, que par la clémence miséricordieuse de l'abbé de Cluny, dont il fut l'ennemi voleur sur terre. Le comte Guillaume de Mâcon, le tyran des monastères et des églises. Écoutez ce qu'il advint. Un jour de fête, le comte, alors assis dans son palais de Mâcon, entouré d'une foule de soldats et de gens de différentes qualités. Un inconnu franchit la porte du palais à cheval, en présence de tous les assistants étonnés. Arrivé près du comte, le cavalier inconnu lui annonça qu'il voulait lui parler. Il lui donna l'ordre de se lever et de le suivre. Entraîné par une force invisible, et contre toute résistance, le comte marcha jusqu'à la porte du palais où il trouva un cheval qu'il dut monter, sur ordre de l'inconnu. À peine en eut-il saisi les rênes, aussitôt le cheval partit et se mit à voler, à travers les airs, aux yeux de tous, malgré les clameurs et les cris lamentables du comte. Les habitants qui accoururent l'entendirent crier « Au secours citoyen ! Au secours !» Ils virent le comte suivre ce cavalier, chevauchant dans les airs jusqu'à perte de vue. Depuis ce jour, il disparut à jamais de la vie des hommes.